Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à Laurence de nous avoir réunis et fait connaître. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous explique un petit peu de quoi il retourne. En courant 2011, mon laboratoire s'est demandé comment aborder cette question, et il a lancé un appel à communication à ses membres d'abord, qu'il a ensuite élargi à d'autres chercheurs, et il a posé la question sous une formulation un petit peu provocatrice, faut-il brûler les humanités et les SHS donc. Et avec cet appel, donc, je vais vous lire un petit extrait si vous voulez bien. Dans un monde où de plus en plus tout est produit et tout ne vaut que par sa valeur marchande, résonne de plus en plus insistante et obsédante l'injonction à être productif, rentable, utile. Le tout conjugué au temps impératif du court terme. Pour n'en citer que quelques-uns, l'eau, les paysages, la mémoire, la création, l'éducation sont autant de domaines qui subissent aujourd'hui les assauts de la marchandisation, et force est de constater que la recherche universitaire, particulièrement dans ce qu'il est convenu d'appeler les sciences dures, échappe de moins en moins aux radars et aux injonctions intéressées des marchés et des marchands et ou de leurs relais institutionnels. Ce contexte particulier auquel se surajoutent les crises de la dette, au nom desquelles se succèdent les coupes budgétaires, pose aux humanités et aux sciences humaines et sociales des problèmes spécifiques, dès lors qu'elles sont également instamment priées de se mettre au diapason des sciences dures, exigences de productivité, le nombre d'étudiants inscrits et subissant les examens, exigences de rendement, le pourcentage de diplômés et de reçus au concours, exigences encore de réalisme, répondre aux besoins du marché en termes d'emplois à combler, et pourquoi pas de rentabilité, revenant à générer des rentrées d'argent du secteur privé sous la forme de fondations, partenariats, mécénats, etc. Donc voilà la substance de cet appel. Quelles sont les raisons qui nous ont poussés à l'envoyer sous cette forme? Tout d'abord, nous souhaitions contribuer à la réflexion collective sur nos disciplines, tout d'abord, sur leur situation aujourd'hui, sur leurs évolutions également. Nous apparaissait que la réflexion, bien sûr, sur ces questions existe, mais que cette réflexion est largement disséminée, éparpillée. Et donc, c'était pour nous l'occasion d'essayer, au sein de notre laboratoire, donc de nous regrouper et d'échanger sur ces questions. Nous voulions également trouver une occasion de questionner notre métier, qui est un métier d'ailleurs très mal connu dans la population. Les gens ne savent pas ce que fait un enseignant-chercheur. Quand un enseignant-chercheur va chercher ses enfants à l'école à 4h30, il pense qu'il est en congé. Ils ne savent pas s'il a travaillé avant, ils n'imaginent surtout pas qu'il pourrait travailler après, être rentré à la maison pendant que les enfants goûtent. Bref, c'est un métier mal connu, mal considéré, de moins en moins même considéré. Donc ce colloque était une façon d'interroger cette situation, mais aussi nos pratiques de recherche, nos pratiques d'enseignement, de questionner également nos paradigmes, nos catégories, etc. Au total, il s'agissait d'essayer de faire un point, de préciser pour nous d'abord, mais ensuite pour un public plus large. Et là, je remercie particulièrement Laurence pour son compte-rendu qui a fait sortir cet ouvrage du néant dans lequel il était tombé aussitôt publié. Ce colloque permet aussi de préciser un petit peu quelle est notre présence au monde et à la société. C'est un livre, je dirais, d'alerte également, un cri, d'où ce titre un petit peu catastrophiste. En même temps, ce n'est pas un ouvrage larmoyant. La situation est grave, certes, mais nous ne sommes pas désespérés. Si ce livre existe, si ce colloque s'est tenu, si on continue à réfléchir, c'est que nous pensons qu'il est encore temps de résister à condition de s'organiser. Alors, dans ce colloque et dans l'ouvrage qui en est sorti, donc, il y a eu deux approches un peu complémentaires. Tout d'abord, une sorte d'état des lieux très partiel, malheureusement, de notre environnement et puis un certain nombre d'études de cas montrant concrètement comment des disciplines sont littéralement en voie d'extinction ou de mise en servitude par notre environnement, par nos institutions. Donc, je commencerai par aborder rapidement un certain nombre de nos disciplines qui sont comme en état de siège, menacées d'extinction ou simplement sabotées par nos institutions. Je vais parler des lettres classiques, le grec, le latin particulièrement, mais aussi la philosophie, mais aussi les langues à faible nombre d'étudiants. Aujourd'hui, ce qui a le vent en poupe dans les universités de lettres, langues et sciences humaines, c'est l'apprentissage purement pratique, purement utilitaire des langues, au détriment des dimensions sociales, culturelles, civilisationnelles de l'enseignement des langues. C'est les langues étrangères appliquées qui prennent le pas sur lettres, langues et civilisation. Avec un recul très net, très marqué depuis une dizaine d'années de ce qu'on pourrait appeler la linguidiversité dans les universités, ce qui est quand même assez paradoxal au moment où on nous parle, où on nous rebat les oreilles de mondialisation. À ces problèmes de langue, on pourrait aussi ajouter, dans le domaine de la recherche particulièrement, bon, ça dépend sans doute des disciplines et des universités, mais en tout cas, on reçoit de plus en plus d'injonctions à publier en anglais, ce qui va là aussi à l'encontre de l'intelligence plurilingue des mondes et des sociétés. Ajoutons parmi les disciplines qui sont en état de siège, littéralement, la psychanalyse. La psychanalyse, qui est une science vraiment assiégée, qui fait l'objet de coups de boutoir réguliers, précisément au nom de la science, au nom de la scientificité. Au-delà, ce qui est visé, c'est la disparition de notre horizon, de la notion d'inconscient. Cet inconscient qui est considéré comme un empêcheur de marchander en rond. Cette préconisation de la disparition de la psychanalyse, on pourrait la voir comme un symptôme du rapport qu'entretient notre société à l'homme, à l'humain, à son humanité. Et puis, il est question également de l'amoindrissement de la littérature en tant que discipline du sens. Aujourd'hui, on a le vent en poupe plutôt la littérature considérée comme esthétique. La littérature comme sens, comme discipline du sens, fait l'objet d'un grand mépris aujourd'hui dans l'université, voire véritablement de haine. Et puis, il y a tout l'essor des champs disciplinaires ou des sous-champs disciplinaires un petit peu hybrides du type Cultural Studies, Gender Studies, Holocaust, Genocide, Colonial Studies. Et puis, encore un autre secteur qui est particulièrement menacé, complètement recouvert par une vague de disciplinarisation, c'est le secteur des analyses de discours, particulièrement en crise. Je rappelle qu'initialement, cette discipline avait été conçue comme l'analyse critique, précisément, du discours. Or, aujourd'hui, on peut dater ça, d'ailleurs, à peu près de la séquence qui suit la chute du mur de Berlin, donc la victoire du camp occidental. Eh bien, on voit à partir de ce moment-là, cette discipline, précisément, être disciplinée, sommée de répondre à la demande sociale et aux appels d'offres, si bien qu'un certain nombre de nos laboratoires, le CNRS ne sait pas suffisamment, mais un certain nombre de nos laboratoires sont devenus tout simplement des bureaux d'études au service de l'économie et de l'idéologie pratique dominante. On pourrait aussi relever, ça a été fait par Scharenberg dans cet ouvrage, les nombreuses pressions politiques et sociales qui pèsent aujourd'hui sur le domaine de l'histoire scolaire. Bon, Laurence pourra en parler également, bien sûr, avec l'introduction quasiment imposée d'en haut de ces fameuses éducations à la citoyenneté, à la mémoire, au développement durable, etc., la pression de plus en plus forte pour que les enseignants fassent des leçons de morale, de plus en plus de pratiques prescriptives également, qui se font au détriment de l'appréhension et de la connaissance des faits et de la complexité finalement du fonctionnement des sociétés. On voit également le poids de la doxa être de plus en plus important avec des instrumentalisations. Bon, vous en reparlerez sans doute, mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, ces instrumentalisations, en tout cas ces tentatives, notamment de l'histoire et de l'histoire scolaire, ont été faites jusqu'au niveau le plus élevé de l'État par le président de la République dernier. Bientôt futur, semble-t-il. Bon, une autre discipline particulièrement menacée, je crois qu'elle vit d'ailleurs ces dernières années, en tout cas à Montpellier, c'est l'onomastique romane. C'est un cas véritablement désespéré, parce que là, cette discipline, l'onomastique romane, est une discipline qui subit un effet domino, en quelque sorte, puisque l'enseignement du latin et du grec dans le secondaire a considérablement diminué. Ce qui assèche du même coup le vivier de la philologie romane, ça assèche d'ailleurs du même coup aussi l'histoire ancienne, les études d'histoire ancienne possibles et les histoires d'études médiévales, mais aussi tout le secteur des lettres et des langues anciennes qui est touché par ce même effet domino. On pourrait dire la même chose de l'étude de la mythologie ou des mythologies, autant de disciplines dont on avait des représentants sous la main et qui ont exposé donc à quel point leur situation était préoccupante. Maintenant, il y a un deuxième aspect à cet ouvrage, c'est-à-dire qu'on a essayé aussi d'éclairer cette situation en prenant cette situation comme objet d'étude et en essayant d'apporter un certain nombre d'éléments. Le premier élément qui éclaire cette situation, c'est quelque chose qui relève de la démographie de nos disciplines, de l'évolution démographique de nos disciplines, en effet, avec la deuxième massification apparue au tournant des années 90-2000, eh bien, les effectifs enseignants ont augmenté partout, je parle des SHS. Ce qui pourrait nous faire dire que de l'extérieur, eh bien, finalement, nos disciplines ne se portent pas si mal, puisqu'elles ont embauché plein de jeunes à l'époque qui sont maintenant, qui me ressemblent, en gros, hein, puisque moi j'ai été recruté justement dans les années 90, j'ai bénéficié de cette massification. Mais tout cela s'est accompagné de processus de recomposition et de diversification. En effet, il y a la baisse des disciplines dites classiques, français, le latin, le grec, qui est lié bien sûr à la baisse du nombre de bacheliers littéraires. Aujourd'hui, faire un bac littéraire, c'est stigmatisant dans un lycée, ce qui n'était pas du tout le cas quand moi j'ai fait mes études. J'ai même fait ce qu'on appelait à l'époque une sixième classique, où on faisait du latin en sixième, c'était une marque de distinction de faire du latin. Aujourd'hui, c'est presque la roue. Donc, baisse des disciplines classiques, augmentation par contre, envol des disciplines dites modernes, je veux faire référence ici à la psychologie, à la sociologie, à l'ethnologie, mais ces mêmes disciplines dites modernes sont aujourd'hui dépassées par d'autres disciplines, ce qu'on appelle les nouvelles disciplines, faute de mieux, qui sont d'ailleurs souvent reconnaissables et réduites à leurs acronymes, je vous parle des sciences de l'éduc, je vous parle de l'infocom, je vous parle des STAPS, je sais pas, ma boulangère, j'ignore complètement ce que c'est que les STAPS, pas qu'elle d'ailleurs. Bon. Cette évolution s'est accompagnée d'un triple phénomène, la régionalisation, la professionnalisation et la féminisation. C'est pas bon signe pour nous du tout, qu'il y ait de plus en plus de femmes à l'université, en tout cas dans les sciences dites humaines et sociales. Il y a donc un phénomène de croissance démographique de nos disciplines, mais avec un sérieux correctif, une sorte de relativisation démographique des disciplines, notamment des disciplines traditionnelles, de plus en plus mises à l'écart ou réduites à leur plus simple expression. Ce sont les disciplines d'ailleurs les plus livresques, ce sont les disciplines les plus théoriques, les plus gratuites, si on veut dire cela comme ça, les plus orientées peut-être aussi vers le passé, le patrimoine, l'érudition, la recherche fondamentale, et aussi, faut-il le dire, les métiers de la fonction publique. Il y a contre ces disciplines, une attaque généralisée, une attaque multiforme, qui ressortit largement de la pression d'un modèle qu'on peut qualifier de managérial. Avec, pour illustrer mon propos, il suffit de rappeler deux symptômes très forts. L'attitude d'un chef de l'État vis-à-vis de la princesse de Clèves, qui lui donnait véritablement des boutons, ce qui paraît hallucinant, doublement hallucinant, quoi. D'abord, qu'il se préoccupe de la princesse de Clèves, il a peut-être autre chose à faire. Et puis, deuxièmement, ce mépris marqué pour la culture classique, qu'on pourrait appeler comme ça, ça a été un moment, je crois, fort et très significatif. Le deuxième, c'est la place qu'a pris dans nos vies, nous, enseignants-chercheurs, le classement de Shanghai. On vit sous la coupe de Shanghai. Pardon ? Cette pression croissante de l'idéologie managériale, que traduit le classement de Shanghai, il est visible dans nos maquettes d'enseignement, où l'on parle de PPP, projet personnel personnalisé. Il n'y a rien de plus bidon. Et pourtant, on recale des étudiants sur ce truc incroyable. Hein ? Nos masters, nos anciennes maîtrises et nos anciens diplômes d'études approfondies sont devenus des masters, fort bien. Mais de plus en plus, nos masters devaient préparer, initier à la recherche, eh bien, on nous enjoint d'en faire des masters professionnalisants, comme si les masters recherche n'avaient rien de professionnalisant. Et puis, c'est l'invasion du PowerPoint. Vous allez en avoir une illustration. Mon collègue est beaucoup plus jeune. Vous voyez tout de suite les effets de la massification. Et puis, l'invasion des QCM. Et puis, l'invasion de la logique comptable à tous les étages, des maquettes. Là, on vient de reformer nos maquettes. Je vous garantis que ça a coupé sévèrement. Pression également du court-termisme, d'une logique de performance, de productivité, de rentabilité, de quantification, tout se quantifie. Pression également de la logique d'évaluation, et puis même là on a franchi un cap, si je puis dire, civilisationnel, avec l'auto-évaluation, c'est-à-dire que maintenant on nous demande de nous flageller nous-mêmes. Les étudiants ne sont plus des étudiants d'ailleurs, ce sont des usagers comme les usagers de la SNCF. Je ne sais pas si on les remboursera quand le professeur arrivera en retard, peut-être qu'on leur distribuera des enveloppes. Bon, que faire ? Quelques pistes tout de même, me semble-t-il. Malgré ce tableau brossé très rapidement et un petit peu à la hache, je crois que nous pouvons encore faire des choses. Tout d'abord, il faut faire en sorte que nos collègues, je pense que ceux qui sont ici ont déjà pris conscience du problème, mais il faut qu'on élargisse notre cercle et faire prendre conscience à notre communauté que la situation est grave. Il faut également que notre communauté s'empare de cette question, qu'elle en fasse un objet d'étude, comme on l'a amorcé à Montpellier. Bon, il y a une grosse lacune néanmoins dans ce colloque et ce. Mais en plus, c'est un peu de la faute de Laurence parce qu'on l'a invitée à participer, elle n'a pas pu ou pas voulu. Enfin, bref, à l'époque, elle faisait la tête, elle n'est pas venue. Clairement, il y a une lacune à mon avis parce qu'il faut articuler la situation de l'université avec la situation au collège et au lycée et peut-être même dans les petites classes. Je pense qu'il est absolument nécessaire que l'on refasse un colloque ou une réunion en tout cas. Où il y aurait des collègues du secondaire qui souffrent au premier stade de cette situation. dont nous, finalement, nous ne voyons que la queue de l'économie. En d'autres termes, je dirais que nous avons en notre sein des forces, des savoir-faire, des savoirs qui nous permettraient, si tant est que nous en prenions la décision collective, nous permettrait d'engager, je crois, cette résistance ou ce combat qui est clairement un combat politique, un combat idéologique, au sens noble du terme. Nous sommes les disciplines du sens. Nous sommes les disciplines de l'esprit critique. Bon, je suis un peu provocateur, mais volontairement, parce que je dois aller aussi assez rapidement. Nous sommes les disciplines nécessaires à la démocratie et au pluralisme dont il a été question tout à l'heure. Nous sommes les disciplines qui forgent, qui questionnent les valeurs. Nous sommes les disciplines de l'éthique. Bref, c'est à nous de nous remettre en question, remettre en question aussi nos façons de faire de la science. Il y a beaucoup de choses à redire de ce point de vue, en termes d'exigence, en termes de scientificité, en termes d'honnêteté, en termes d'évaluation. Je dirais également que nos SHS se sont trop refermées sur elles-mêmes et qu'elles doivent absolument aller apprendre des autres. Je suis frappé de voir à quel point il y a si peu d'historiens qui lisent de la sociologie, de la science politique. Moi, je fais le malin, mais en même temps, ça fait que 15 ans, une quinzaine d'années, donc que je m'intéresse à ces savoirs-là. Néanmoins, je pense que c'est nécessaire d'aller chercher des savoirs un peu transversaux. Et puis, il y a une dernière chose, je crois qu'il est absolument nécessaire que nous sortions de nos laboratoires, de nos séminaires, de nos écoles, dans l'espace public, afin de ne pas laisser à d'autres le soin de dire ce que nous sommes et ce que nous faisons. Voilà. Pour terminer, je dirais qu'il n'y a pas lieu d'opposer sciences dures et sciences humaines, ou sciences qui ne seraient pas humaines et les sciences humaines et sociales. Je crois que c'est un faux combat, un combat qui est un piège, et nous sommes bien tombés dedans, et je crois qu'il faut que nous en sortions avec les autres, car il n'y a pas que nous qui sommes en crise. Hein. Les enseignants-chercheurs en mathématiques ont aussi beaucoup de soucis, non plus d'étudiants. Ils ont un vrai problème. Voilà. Bon, je vais peut-être arrêter là, comme ça, ça laisse un petit peu d'espace. D'autant plus que je dois vous quitter plus tôt. Merci à vous. Eh bien, c'est le moment des questions. Oui, monsieur. Moi, je suis en sciences plutôt dures. Et en fait, il y a une différence entre les sciences appliquées ou applicables, expérimentales et les sciences théoriques. Et je vois un petit peu la même chose au niveau des affections des étudiants pour la théorie. Et c'est vrai qu'en biologie, maintenant, les expériences sont faites avec beaucoup d'argent, donc ce qui entraîne une structuration du système assez genre armée mexicaine avec des chefs d'équipe, une parcellisation de la recherche et du fonctionnement des laboratoires. C'est plus du tout des laboratoires, c'est vraiment tout autour du chef d'équipe, avec quelques postdocs liés sur des contrats, des choses comme ça. Qui pompent tous les crédits. Ouais, qui pompent tous les crédits. Alors par contre, ce que je dirais, c'est que la chance des théoriciens en sciences dures, on va dire, c'est que justement on n'a pas besoin d'argent. Des big monde, moi je suis en bioinformatique, donc la théorie, et bon, on vit très bien parce que un contrat qui nous permet de vivre des années et tout ça. Et donc, ce que je dirais, c'est que la théorie est plutôt un avantage du côté des sciences dures, un avantage qui ne va pas durer longtemps, hein, parce que faut des étudiants, on fait pas mal. Alors, pour les projets personnels aussi, et toutes les manœuvres d'insertion professionnelle qui sont dans les universités, effectivement, donc ça, c'est pareil en sciences dures, sauf que là, les notes permettent de compenser plutôt les matières scientifiques. C'est-à-dire qu'en gros, on a un 18 en insertion professionnelle, ce qui permet de compenser un 2 en chimie assez facilement. J'ai vu les étudiants d'ailleurs qui ont fait de la résistance. Eux, ils ont eu un 2 en insertion professionnelle, ils ont été obligés de compenser avec des matières scientifiques. Ils restent quand même des bons étudiants et récalcitrants. Ben, ce qui est assez paradoxe, enfin drôle aussi à remarquer, c'est que les projets personnalisés, projets professionnels personnalisés, sont généralement des enseignements laissés à des très jeunes enseignants, à des vacataires, à des chargés de cours. Et alors, bon, ça pourrait être organisé différemment, mais ça a une autre conséquence, c'est que ça introduit dès l'entrée de l'université, de l'aide sciences humaines, l'idée que finalement, t'as pas fait le bon choix, mon gars, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut tout de suite que tu te prépares une porte de sortie beaucoup plus digne et plus efficace, plus performante. Voilà. À quoi ça arrive d'aller faire, je sais pas, art du spectacle ou histoire, hein? Donc il faut absolument que tu réfléchisses à ton projet personnel. Je crois qu'on ça renvoie aussi à l'idée que nous ne communiquons pas assez sur nos disciplines. Moi, je suis persuadé que nos facultés, nos universités forment très bien les gens, que les gens sortent de lettres sciences humaines avec beaucoup de capacités, justement, vendables sur le marché du travail. Généralement, ils savent écrire, en principe, ils savent lire, ils savent aller chercher de la documentation, ils savent exposer, ils savent faire des synthèses, ils savent des fois, souvent, de plus en plus, utiliser... Bonjour Astrid. Ils savent utiliser des logiciels de gestion de bases de données, par exemple pour ceux qui font des masters en histoire, etc. Bref, ils ont beaucoup de savoir et de savoir-faire, et qui sont mal diffusés dans la société civile. Et donc les gens, enfin, moi j'ai eu une expérience dans le lycée le plus huppé de Montpellier, le lycée Joffre, sur les grandes esplanades de Gaulle. Et au lycée Joffre, j'ai eu un entretien avec le proviseur, parce que ma fille était en délicatesse avec sa première, et il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais faire sociologie. Alors là, son cas était réglé, c'était terminé. Montpellier 3, bon, il ignorait que j'étais de Montpellier 3, donc Montpellier 3, fac poubelle, fac... Il y a aussi une image qu'il faut contrebalancer absolument. C'est très urgent de faire ce travail. Et je vois qui d'autre que nous pouvons le faire. Il faut qu'on se prenne en main, les amis. Laurence. D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas venue à ce colloque parce que je recrutais les enseignants au CAPES. Parmi les pistes aussi qui sont possibles, à mon avis, peut-être aussi cesser de penser les relations entre cycles éducatifs sous une forme verticale et développer des circulations entre cycles, c'est-à-dire réfléchir aussi et vraiment en termes de circulation plutôt que d'imposition du savoir académique sur le savoir scolaire. Ça me semble assez fondamental parce que ces grandes déclarations d'intention qui sont toujours très généreuses, encore une fois, qui vont toujours évidemment dans un sens, qui est celui de l'université vers le très généreux vers le secondaire et vers le primaire. Enfin, il ne reste pas moins que ces milieux restent extrêmement imperméables les uns aux autres, ce qui est vrai aussi d'ailleurs entre le secondaire et le primaire, et que on a donc, vous avez une méconnaissance absolument complète de ce qui se passe dans le système éducatif à l'école primaire et dans le secondaire. Je ne parle pas en plus des effets de hiérarchie, évidemment, qui sont énormes. Mais déjà, si on pouvait commencer une forme de coopération entre le supérieur, le secondaire et le primaire, qui se joue vraiment sur une mutualisation et sur un partage, plutôt que sur un don, je pense que ça pourrait être une piste intéressante. Oui, moi je voudrais justement, alors à ce propos, insister sur un point. Moi je suis philosophe, hein, mais je voulais insister. Mais je pense que justement c'est aussi intéressant pour penser des questions là. Et je voudrais insister sur un point, parce que moi, j'ai appelé en fait l'affectation de scientificité. C'est-à-dire la manière dont, à l'université elle-même, certaines formes de savoir sont muselées au nom de leur scientificité, c'est-à-dire précisément au nom de leur regard critique sur leur objet. Et elles sont muselées au nom de ce que j'appelle une affectation de scientificité, l'idée selon laquelle faire travail scientifique serait faire un travail absolument neutre, du haut de l'Olympe et de je ne sais où, et en l'occurrence, toujours du côté d'un pouvoir. Autrement dit, la scientificité, entre guillemets, serait systématiquement du côté du manche, c'est-à-dire du côté du refus de l'esprit critique, et la non-scientificité, l'accusation de non-scientificité, s'appliquerait à ceux qui font un travail critique, c'est-à-dire éminemment scientifique. Donc je crois que cette espèce de retournement d'imputation, il est extrêmement, mais vraiment indispensable de le produire, de le décrire, de l'analyser, parce qu'il se traduit dans tous les domaines. Il se traduit en philo, et je le vois sans arrêt, il se traduit en sociologie. Des sociologues remarquables sont littéralement blackboulés au nom du fait qu'ils travaillent, par exemple, sur un regard critique porté sur les politiques migratoires. Je pense à des gens comme Marc Bernardou, qui a fait un travail extraordinaire sur ces questions-là, et qui est littéralement mis au banc de son université pour cette raison. Donc, je crois que déjà, là, il y a une racine du mal que vous décrivez très bien, qui est en effet liée à la marchandisation, puisqu'il y a bien sûr le même circuit qui irrigue, c'est-à-dire qui donne des financements, mais qui donne ces financements conditionnés précisément à cette affectation de scientificité, c'est-à-dire à cette fausse neutralité qui est en fait tout simplement une défense du pouvoir. Donc je crois qu'il faut être extrêmement insistant là-dessus et revendiquer une véritable scientificité de ce point de vue, et d'ailleurs dans les sciences dites humaines comme dans les sciences dites exactes, parce que ça a aussi été montré par quelqu'un comme Isabelle Stengers. Une philosophe comme Isabelle Stengers a montré comment au sein même des sciences exactes, au sein même de la biologie, au sein même de la chimie, puisqu'elle était précisément chimiste, il y a de la même manière un refus du discours critique sur les savoirs scientifiques, c'est-à-dire un refus du véritable discours épistémologique. Et ça, je crois que c'est extrêmement important pour se positionner par rapport à une récusation radicale de ce type de comportement de pouvoir. Non, mais je voulais vous remercier justement pour cette rencontre, parce que ça me paraît indispensable, comme vous l'avez dit, de croiser les champs d'investigation. Donc je vois qu'il y a des historiens essentiellement, mais je pense que la philo a vraiment son mot à dire, la socio aussi, la biologie également, et les sciences exactes au même titre que les sciences humaines. Je crois qu'on est vraiment embarqué dans le même vaisseau. Ouais. On souhaite qu'il ne soit pas une galère. Et la biologie est dangereuse. Moi, j'aimerais intervenir sur un champ qui, pour moi, s'oppose au professionnalisme et à la professionnalisation des études. Et c'est l'idée de la politique dans les études. À savoir qu'on nous pose la question primordiale quand on commence à faire des études, qu'est-ce que tu vas faire plus tard et qu'est-ce qu'on peut faire de ces études, mais pas forcément qu'est-ce que ces études ont en rapport avec la vie et en rapport avec la vie politique. J'imagine que la première des questions qu'on pourrait se poser ensemble en s'attachant à l'étude d'une discipline, c'est qu'est-ce que cette discipline peut faire aujourd'hui pour la vie, aujourd'hui pour la vie des gens, aujourd'hui pour sortir de, justement, de la professionnalisation. Et ça, c'est quelque chose qui peut discuter. Et je vois, moi, par exemple, qu'en histoire, Paul Valéry, on n'a fait aucun cours d'historiographie, par exemple. En 3 ans de licence, on n'a fait absolument aucun cours d'historiographie. Et ce qui est une des raisons d'être de l'histoire, de savoir à quoi elle a servi dans le temps où elle a été. Dans le temps où les historiens qui faisaient de la politique ont usé. Et donc, je lance une piste comme ça qui me touche. Et une autre. Sur l'idée qui revient tout le temps d'un savoir critique. Alors pour moi, c'est un peu un mot valise aussi qui est utilisé partout, parce que partout on nous dit qu'on va faire la critique. Donc la question c'est qu'est-ce que votre critique? Et la question c'est pourquoi est-ce qu'on devrait penser que par rapport à la critique? Et est-ce que ça ne nous borne pas aussi dans un champ qui est celui du champ de la déconstruction des faux savoirs, la déconstruction de l'idéologie, la déconstruction de la société marchande, comme une prémisse pour après aller vers autre chose, sauf que aller vers autre chose, moi je le vois moins souvent que aller dans la contre-idéologie ou dans la critique justement, la critique pure. J'ai l'impression que de cette critique pure ne naît pas assez de points sur lesquels on pourrait imaginer un travail qui pense qui pense pas à des solutions, mais je veux dire que quand on pense dans le domaine de l'histoire, pour la Révolution française, c'est un domaine assez déserté de l'histoire moderne, mais on pense jamais la question de la Révolution française par rapport à aujourd'hui. On pense peu la question de la Commune de Paris par rapport à aujourd'hui, de même que la question du communisme. C'est des questions qui sont évacuées dans une désensibilisation, de l'émotion aussi. Il y a une désensibilisation de l'émotion. On raisonne beaucoup plus par un usage de fait et d'un constat soi-disant objectif que par une question de reprise en main de l'histoire pour aujourd'hui. Donc faire un lien des questions politiques avec des questions d'histoire. Après, j'imagine que c'est pas quelque chose qui est envisagé à l'université, donc peut-être que c'est une question un peu bouchée. C'est une question longue. Ouais. Je vous dirais simplement peut-être que peut-être je me suis mal exprimé et pas bien fait comprendre, mais c'est pas, je crois pas, notre propos, regarde Marc aussi, mais. Il n'entre pas dans notre propos l'idée de remplacer les disciplines actuelles par une discipline majeure qui serait la discipline de la critique absolue de tout, de tous. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de se dire que l'esprit critique que nous exploitons dans tous nos objets de recherche habituels et académiques est reconnu pour cela, eh bien on peut aussi utiliser de temps en temps, cette capacité d'analyse, d'interprétation, de contextualisation, on pourrait peut-être que l'université, c'est pas le cadre qui convient le mieux, mais après tout, est-ce qu'on en a d'autres? Je crois qu'on... Il nous revient aussi de nous emparer de cet objet-là, c'est aussi un objet. Ce que l'idéologie, ce que l'économie fait à nos disciplines, ça peut être très bien un objet de science aussi, il me semble. Oui, après, mais... On ne prétend pas que ça doit remplacer l'ensemble des autres savoirs, mais je crois que ça devrait en faire partie un peu plus. Voilà. Sur l'absence d'historiographie à Montpellier, bon, ça, on s'en expliquera en aparté. D'abord, tout à l'heure, vous avez dit que nos étudiants sont bien formés. Enfin, moi, je suis des sciences inhumaines. Je suis même la plus inhumaine des sciences inhumaines. Qui n'inclut pas l'université, comme on le voit justement, évidemment, c'est disons l'esprit critique. Ça, par rapport aux étudiants qui sortent d'école d'ingénieur, ils ne font pas le poids. Encore, on ne parle pas de l'ENA. Oui. moi, je vais poser une question, c'était par rapport à vos sources, parce que vous avez aussi parlé de professionnalisation. Et effectivement, dans les sciences exactes ou inhumaines, on fait de moins en moins de recherches pour une raison précise, c'est que de plus en plus on a des projets de recherche, on est financé que sur des projets de recherche, et quand on fait un projet de recherche dans lequel on dit ce qu'on va trouver dans 3 ans, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais on fait pas de recherche. Mais de plus en plus on est obligé de donner à nos étudiants des sujets de thèse qui sont plus vraiment des sujets thèse. Et alors, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a au début de semaine. J'assistais à une soutenance de thèse en informatique. Et à la fin de la soutenance, le directeur de thèse a dit, et là, c'est vraiment la thèse de monsieur machin, parce que là, c'est vraiment lui qui a fait ce qu'il a voulu dans sa thèse. C'est pas bien sûr. J'ai voulu lui dire ce que je voulais. Il avait pourtant un sujet qui venait de l'industrie, tout ça, mais il a tenu, il a fait vraiment ce qu'il voulait. Et je me posais la question de savoir si en sciences humaines, vous arrivez encore à avoir des étudiants qui arrivent, comme ça nous commence, ça marche, de temps en temps, mais c'est rare, il faut qu'ils soient financés par l'étranger en général. Qui arrivent avec un sujet de thèse, et qui voudraient travailler sur ce sujet de thèse, et qui continuent. Alors ça paraît peut-être un petit peu idiot comme question, parce que je ne connais pas bien les usages. Vous avez encore ce type d'étudiant, ou est-ce que c'est le rôle du professeur qui passe aussi chez vous? Ce qu'on voit nettement dans notre petit quartier, c'est notamment en géographie. Les géographes sont de plus en plus gagnés par cette évolution. Effectivement, les labos de géographie deviennent des bureaux d'études. Ils travaillent sur contrat, beaucoup d'AMR. Et effectivement, on peut se poser la question, qui fixe finalement les projets de recherche? C'est les agences qui elles-mêmes sont encouragées ou sont influencées par différents lobbies ou différentes entreprises carrément qui passent commande à l'agence pour qu'elle mette ça au programme. Après les autres, je ne sais pas, il y a la cause. Ah si, les psychologues. Les psychologues sont aussi gagnés là, ils y passent la main, le bras et bientôt le reste. C'est-à-dire que chez nous, il y a encore, c'est pas le carré. Non, mais c'est bon. Nous, on habite loin et on arrive à l'heure. Moi, j'habite très loin aussi. Allez. Oui, chez les psychologues, en fait, il y a un drame aussi interne, c'est-à-dire une séparation entre deux conceptions de la psychologie. Il y en a qui seraient même mieux en fac de sciences maintenant, et d'autres qui cherchent à se réfugier, qui ont même frappé à notre laboratoire pour se réfugier. En tout cas, une partie d'entre eux ne se sentait pas bien. Un peu trop d'informatique, un peu trop de quantitatif. Oui, il y a ces évolutions, effectivement. En histoire, j'avoue qu'on travaille assez peu pour des bureaux d'études encore. Pour les sociétés anciennes. Ici, il y a un débouché du côté de l'animation culturelle, éventuellement les comités d'entreprise, des conférences, ça reste totalement marginal, c'est pas avec ça.